Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Il y a de la science dans les bulles quand la BD s'ouvre aux questions subtiles et variées de l'analyse rationnelle. C'est bien évidemment Hergé avec le professeur Tournesol ou Hippolyte Callis, mais c'est aussi Black et Mortimer avec les savants fous pilotés par l'infâme Ulrich, pour tous ceux qui détraquent sciemment le climat ou complotent contre l'avenir de l'homme. Bref, c'est souvent méchant, drôle et instructif. Roland Lehoucq, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et vous vous êtes penché avec un certain nombre de complices sur les héros de la bande dessinée. Quelle est l'image du scientifique dans la BD? Comment est-il caricaturé? Eh bien, il a toujours une, ou souvent, une image un peu, disons, sujette à caution. Il y a le mauvais scientifique d'abord, celui qui fait des grosses bombes, celui qui détraque le climat, celui qui a des projets pour être maître du monde. Et puis même le bon scientifique, par certains côtés, il n'est pas, pas très rassurant, mais il est un peu bizarre, il est un peu fou, il a les cheveux dans tous les sens quand il en a. Il a une barbe évidemment et des lunettes, ça peut être autre chose, hein. Un vieux schnock finalement, sympathique, comme Tournesol, quelqu'un qui est dur d'oreille, qui a un cerveau rapide, mais qui est peut-être parfois sujet à des crises de folie ou des crises de comment dire, de perdu, il perd le sens commun, il oublie qu'il est sur Terre et il part dans son délire. Donc oui, le scientifique n'a pas toujours une image très bonne et même très réaliste, surtout dans la bande dessinée. Alors, vous êtes penché sur l'œuvre d'Hergé, évidemment, Tintin et la science. Vous avez passé au crible au moins 4 des 24 albums d'Hergé à travers ceux qui s'intéressaient le plus à l'astronomie, à l'espace. Alors, on peut les citer, hein. Il y a le Temple du Soleil, l'Étoile Mystérieuse, il y a... Les Aventures Lunaires aussi, bien sûr. Les Aventures Lunaires. Les deux albums d'Aventures Lunaires. Objectif Lune et on a marché sur la Lune. Là, les personnages sont aussi parfaitement campés, les scientifiques. Alors, je pense aux astronomes, et on peut peut-être démarrer par l'Étoile Mystérieuse. L'astronome a un statut de savant précis, utilisant des calculs de référence. Tout ça est très exact et très figé. Oui, c'est très figé. Ça représente un savant un peu dans sa tour d'ivoire, dans son observatoire, en train de regarder le ciel et de faire ses calculs. Quand on voit Callis, quand Tintin rentre et voit le professeur Callis, il vient d'observer l'étoile mystérieuse et il est très agité parce qu'il s'est rendu compte que cette étoile mystérieuse se dirige vers la Terre et il y aura une catastrophe qu'il prédit être pour le lendemain. Mais c'est là où on voit que tout de suite il perd pied et il nous dit « Demain, je serai célèbre ». Alors que probablement demain la Terre ne sera plus là pour annoncer ou valider sa célébrité. Donc on voit un peu cette ambiguïté des savants dès le début. En même temps, ce sont aussi des gens qui ont l'air très ennuyeux, puisque quand Tintin met en doute les calculs, peut-être il dit vous êtes peut-être trompé, vous êtes bien sûr, il lui envoie dans les bras une pile de feuilles couverte de calculs abscons, semble-t-il abscons, et en lui disant ben, vous n'avez qu'à vérifier par vous-même si vous ne me faites pas confiance. Donc fâché qu'on puisse mettre en doute la qualité de ses calculs, et en même temps on le voit capable de produire une intense œuvre technique très complexe et tout à fait inaccessible aux profanes. Donc voilà, en travaillant sur la bande dessinée, on peut, moi j'espère, à la fois peut-être faire apprendre des sciences de l'astronomie en particulier quand on utilise Tintin au public, et en même temps montrer que même si on est chauve et barbu comme je le suis et comme le sont les savants dans Hergé et dans d'autres œuvres, on peut quand même être accessible, je l'espère accessible, compréhensible, et puis diffuser les connaissances que les savants ont mis 2000 ans, mettons, mais probablement encore plus longtemps à acquérir. Oui, parce qu'il y a aussi de la vulgarisation. Par exemple, dans l'Étoile Mystérieuse, pour rester à cet album, on découvre la spectro. En analysant la lumière, à travers les raies spectrales, on découvre, enfin, en tout cas, le professeur Callis découvre... Un nouveau métal. Oui, exactement. C'est-à-dire que Hergé, c'est quelqu'un qui se renseigne beaucoup avant d'écrire ses histoires, pour tout un tas de détails aussi insignifiants que l'aspect des roues, des carrosseries des voitures, la forme des avions, des bateaux, ou les costumes. Donc c'est quelqu'un qui se renseigne beaucoup, et il n'a pas manqué de se renseigner aussi à propos de la science. Hergé n'est bien sûr pas un scientifique, mais il a pris aussi beaucoup de renseignements scientifiques, et il avait voulu ses histoires aussi crédibles que possible. Et dans certains cas, cette crédibilité est si grande qu'on pourrait pratiquement, on peut même prendre ces images d'Hergé, ces bulles d'Hergé, pour exemple dans un cours de physique sur la spectroscopie. C'est merveilleux. Vous le faites ? Moi, je l'utilise quand je parle de spectroscopie, alors pas aux adultes, mais je le cite en passant, mais à des enfants, ça marche très très bien. Les enfants sont ravis d'apprendre que grâce à la lumière, on peut découvrir de nouveaux éléments ailleurs que sur Terre, et de nouveaux éléments. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a procédé. Quand Janssen découvre l'hélium, il baptise cet élément nouveau, jamais observé sur Terre, hélium, en l'honneur de Hélios, le Soleil. Et pourquoi ? Parce qu'il a découvert l'hélium dans les raies de la couronne solaire pendant une éclipse. Et donc, c'est en faisant la spectroscopie, en analysant les raies d'absorption et d'émission de la couronne solaire, qu'il a pu se rendre compte qu'il y avait un nouvel élément, exactement comme Calice procède. À la différence que Calice, encore une fois par un excès d'ego surdimensionné, nomme immédiatement le nouvel élément Calistène, qui est d'ailleurs un très bon néologisme. Hein. Calistène, c'est la pierre de Calice. Hein, comme le tungstène, qui vient du suédois, veut dire la pierre lourde, et bien le calistène, c'est la pierre de calice, donc tout de suite un nom parfait, avec une bonne étymologie, très bien, très sonnant, très bon nom. En même temps, ce nom ne peut pas être reçu comme ça, d'abord parce qu'il y a une commission particulière qui nomme les nouveaux éléments, ou les nouvelles découvertes en toute discipline, en astronomie, ou aussi en chimie, et que deuxièmement, à l'époque de Calice, à l'époque d'Hergé, on avait déjà rempli la classification périodique des éléments, on avait déjà découvert tous les éléments que l'on pouvait découvrir, tous les éléments naturels que l'on pouvait découvrir sur Terre. Donc il ne risquait pas d'en découvrir vraiment un nouveau. Alors il y a du fantasme aussi hein, pour l'astronomie d'Hergé, en particulier l'idée que cette étoile mystérieuse qui s'approche et qui est en fait un astéroïde, un aérolithe, dit-on à l'époque, exerce une température considérable sur la Terre et les observateurs avec le trottoir qui fond, le bitume, l'asphalte qui fume. Donc là on voit les limites de la connaissance, en tout cas de la façon de bien travailler. Sûr. Quoi. Bien sûr, c'est qu'Hergé cherche à faire une aventure qui soit intrigante, qui soit passionnante, qui fasse peur, enfin bref, extraordinaire, qu'il se passe quelque chose, quoi, que ça bouge dans son aventure. Donc il est à certains moments obligé de prendre ses distances avec la science, et puis peut-être tout simplement il n'a pas cherché à se renseigner, à se documenter précisément. En tout cas, quand on voit l'étoile mystérieuse telle qu'elle est présentée dans certaines de ses manifestations que nous montre Hergé, on peut se demander quelle est sa nature. Hergé répond, c'est un aérolithe, entre guillemets un astéroïde qui finit par être une météorite qui tombe sur Terre et qui provoque une catastrophe. Si c'était vraiment ça, il n'y a aucune chance que les trottoirs fondent et que la chaleur que l'on peut ressentir à Bruxelles ou quelque part sur Terre soit plus intense au prétexte que cet astéroïde s'approche. En revanche, on pourrait se dire, oui mais imaginons, ne prenons que ces manifestations, qu'est-ce que ça pourrait être ? Une étoile qui s'approche, par exemple, si la Terre était beaucoup plus proche du Soleil qu'elle n'est, si une étoile s'approchait de la Terre, alors on aurait évidemment un flux lumineux plus intense et on aurait donc du coup plus chaud. Le problème de cette interprétation, c'est qu'on aurait aussi un ciel bleu, on aurait aussi beaucoup de lumière qui arrive, et en pleine nuit, enfin en pleine nuit du Soleil habituel, si une étoile, même une petite étoile, s'approchait de la Terre, on devrait avoir un ciel bleu comme on le voit en plein jour. Et puis cette étoile, si elle est si brillante et si elle produit autant d'énergie, c'est quand même, elle est assez massive, donc elle va exercer une influence gravitationnelle non négligeable sur la Terre, au point peut-être de perturber son orbite, qui serait finalement une catastrophe bien plus grande que de se faire heurter par un astéroïde futile gros comme celui que nous présente Hergé. Donc voilà, on peut tenter l'investigation scientifique, ça qui est amusant, on peut se dire alors qu'est-ce qui collerait le moins mal ? Parce qu'en pratique, évidemment, on n'arrive pas à trouver une réponse unique et surtout une réponse qui soit cohérente avec toutes les manifestations que nous montre Hergé. Mais ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas tant la réponse que le chemin que l'on suit pour aboutir à ces réponses, fussent-elles incohérentes. C'est ça qui est intéressant. Se poser des questions sur un univers très simplifié, qui est celui d'Hergé, qui est donc beaucoup plus simple que le nôtre, mais un univers qui permet d'exercer son esprit critique plus facilement et avec des outils plus frustes que celui qu'utilisent les chercheurs de physique ou de chimie moderne ou de mathématiques quand ils se font des investigations sur notre monde, notre réalité, qui elle est cohérente, mais est quand même beaucoup plus complexe que les phénomènes qui nous sont montrés dans Hergé. Alors là où Hergé doit vous passionner, c'est quand il aborde le domaine spatial avec la Lune, Objectif Lune, et On a marché sur la Lune. On est quand même dans une époque où il publie Objectif Lune en 1953, donc c'est 16 ans avant Apollo. On a marché sur la Lune 7 ans avant Gagarine, donc c'est l'année suivante. Finalement, c'est pas très éloigné de la stratégie qu'utilisera la NASA pour débarquer sur la Lune quelques décennies plus tard. Oui, absolument. Ce qui signifie, vous voyez, que finalement, aller dans la Lune, on l'avait déjà pensé dès les pères de, l'astronautique moderne. Dès les Tsiolkovsky, dès les Goddard, dès les von Braun, on savait déjà comment on irait sur la Lune. On connaissait déjà les étapes à mettre en place. Après, il a fallu y mettre les moyens techniques, les moyens financiers pour y arriver. Mais on savait déjà comment aller sur la Lune. Et quand Hergé s'est renseigné, il s'est renseigné à de bonnes sources et il a pu montrer finalement des choses qui ont eu un air de déjà-vu quand on a vu la réalité de ce qu'était un voyage spatial, la réalité de ce qu'était la vie dans une station orbitale, la réalité de ce qu'était d'être en orbite autour de la Terre en apesanteur. Alors on a vu qu'Hergé, finalement, c'est pas une œuvre de visionnaire qu'il a fait, en ce sens que les pères de l'astronautique avaient déjà pensé à tout ça, savaient déjà comment ça se passerait, ou avaient une idée très précise de comment ça se passerait. Ce qu'a fait Hergé, ce qui est assez merveilleux, c'est qu'il a réussi à faire une mise en scène de ses connaissances si bonne, si belle et si stupéfiante qu'elle a eu un air de déjà-vu quand on a regardé les choses réelles qui se sont passées quelques décennies ensuite. Quand vous vous amusez à passer ces deux albums-là à la moulinette de l'observation scientifique pour s'amuser à regarder si le voyage est cohérent, si le passage de l'astéroïde Adonis à côté de la fusée, etc., ça tient la route, ça marche, c'est cohérent, c'est bon, c'est... Ce qui est assez marrant, c'est que ça marche assez souvent, on peut s'en sortir, pas toujours, mais assez souvent on peut s'en sortir, et on constate quand même qu'Hergé fait un très bon travail. Si on prend par exemple l'épisode où les Dupont, par inadvertance, coupent le moteur qui propulse la fusée lunaire. Les passagers ne sont plus propulsés, la fusée n'est plus propulsée, ils ne ressentent plus à l'intérieur une sorte de gravité artificielle, comme le dit lui-même le professeur Tournesol, et tout le monde se retrouve en apesanteur. La représentation de cet épisode est absolument merveilleuse, tout le monde est cul par-dessus tête dans la cabine de la fusée. C'est exactement ce que l'on verra dans les stations orbitales dans les années 70. Le whisky du capitaine Haddock se met en boule et sort de son verre. Parfait, parfait. C'est exactement comme ça que les passagers de la navette spatiale s'amusent à boire parfois leur jus d'orange du matin en le sortant de leur petite gourde, d'où d'habitude ils ont une petite paille spéciale pour le boire. Ils le sortent de la gourde, ils plantent la paille dans le globule de jus d'orange qui flotte en apesanteur, qui est donc une forme et qui a une forme à peu près sphérique, et ils le boivent tout gentiment comme ça et de façon très amusante évidemment par rapport à la façon terrestre habituelle de boire un jus d'orange. Donc là, Hergé, il fait une représentation merveilleuse et l'explication que donne Tournesol est parfaite, mot à mot, elle est parfaite. En revanche, il y a des cas où c'est tout à fait désastreux ce que nous montre Hergé, quand on voit par exemple Tintin qui sort de la fusée lunaire et qui guide Tournesol par radio. Tournesol est à la commande de la fusée et ils veulent récupérer le capitaine Haddock qui est en orbite autour de Adonis. Et alors là, à un moment donné, le Tournesol a branché les moteurs de la fusée, qui propulse la fusée de façon, semble-t-il, très, très intense. La fusée va vite. Et quand la fusée arrive au voisinage de Haddock, Tintin dit « Stop !» entre guillemets, « Coupe les moteurs !» Et on va s'arrêter là, près de Haddock, je suis à la bonne distance. Mais c'est tout à fait illusoire. L'inertie de la fusée fera que, une fois que les moteurs seront coupés, elle va poursuivre son chemin en ligne droite, à vitesse constante, à la vitesse qu'elle avait acquise au moment où les moteurs ont été coupés, et on ne devrait absolument pas s'arrêter tout naturellement près de Haddock au prétexte qu'on coupe les moteurs. Donc là, une faute grave, qu'on pourrait dire, sur une violation manifeste du principe de l'inertie. Donc voilà, il y a ce mélange-là. Alors bien sûr, dans le cas de cette violation du principe de l'inertie, c'est très certainement pour rendre l'aventure plus piquante. Peut-être que tout simplement Hergé aussi ignorait que ça se passait comme ça dans l'espace, mais quand on voit aussi certaines des représentations qu'il a faites, on se demande s'il n'a pas fait un choix délibéré par moment de violer les lois de la physique pour que l'intrigue soit plus palpitante, disons. Alors, quelque part, on peut dire aussi qu'il a volé à l'histoire l'image de la Terre vue de l'espace, parce que quand les héros regardent dans l'espèce de périscope qui leur permet de voir la Terre, finalement, l'image dessinée par Hergé, c'est celle d'une planète bleue vue à distance, celle qui sera l'image d'Apollo 8, des hommes tournant autour de la Lune en décembre 1968, et qui marquera sans doute... une des grandes étapes de la prise de conscience de la Terre pour l'humanité. Bien sûr, ça, quand il fait cette image-là, quand il fait ce dessin-là, personne n'a jamais vu la Terre de l'extérieur. Donc il le fait en essayant de s'imaginer la Terre de l'extérieur, ce qui ne semble pas si difficile. Prenons un globe terrestre, un globe terrestre. Ça existait, les globes terrestres, à l'époque. Même à la Renaissance, on en construisait des globes terrestres. Bon, moins complets que les nôtres, mais on en construisait déjà. Donc, regardons un globe terrestre de l'extérieur. Là, la difficulté, c'est qu'il faut qu'il imagine ce que serait l'image réelle de la Terre vue de l'espace, avec ses nuages, avec ses villes allumées, avec l'atmosphère. Donc, on voit qu'il manque des choses. Il fait un très beau dessin, qui est merveilleux et qui rappelle énormément, bien sûr, les images que les astronautes américains ont pu prendre. En revanche, on voit qu'il oublie complètement qu'il doit y avoir un limbe bleuté qui marque la frontière entre l'atmosphère et la haute atmosphère et l'espace, finalement. On voit qu'il oublie parfois les nuages, où il y a une hémisphère complète de la Terre qui est entièrement vierge de nuages, ce qui n'arrive absolument jamais. On voit que parfois les éclairements ne sont pas très bons, la position du Soleil par rapport à la Terre et par rapport à l'observateur, donne pas les ombres ou les positions qu'il faudrait. Donc c'est extrêmement difficile de représenter une scène comme ça. En tout cas, il fait une tentative, et du point de vue de l'esthétique, du point de vue visuel, ça se compare tout à fait aux images des missions Apollo. Si on cherche la petite bête, alors on trouve plein de petits détails qui manquent, évidemment, mais nous, on fait ça avec le recul et le soin d'un scientifique, et le recul de personnes qui ont déjà vu des images réalistes, parce que prises de l'espace, de la Terre. Ça marche pas mal sur la Lune non plus. Ça marche pas mal. La plupart des choses en fait que nous montre Hergé sont plutôt pas mal, sont plutôt assez réussies, il faut reconnaître, quand on voit par exemple les impacts d'astéroïdes, les cratères lunaires, les dessins des montagnes lunaires. Tout ça est pas parfait, mais ça ressemble beaucoup. Hergé a été se documenter directement à la source, si j'ose dire. Il a été à la grande lunette de l'observatoire de Uccle, qui est dans l'observatoire royal de Belgique, qui est dans la banlieue de Bruxelles. Il a été observer la Lune à la lunette de l'observatoire de Uccle, qui est une lunette qui a 80 cm, je crois, peut-être un petit peu plus, 80 cm de diamètre, en tout cas une belle lunette. Et il a fait des croquis de la Lune vue à travers cette lunette, et il est reparti avec ça pour ses représentations de la Lune. Donc on a quelque chose qui est vraiment très plausible. Et puis il y a des détails bien plus subtils qui sont parfaitement réalisés. L'ombre de la fusée lunaire, la longueur de l'ombre, avec le soleil qui est levé, les amis partent un jour de premier quartier lunaire, donc un jour où, du point de vue de la Lune, le soleil est en train de se lever, au point dans le Circuit Park, qui est au centre de la phase de la Lune, à cet endroit-là, là, le soleil est en train de se lever. C'est exactement ce qu'on voit dans les images. La Terre n'est pas très bien positionnée dans le ciel, mais les constellations sont plausibles. On voit le soleil et les étoiles en même temps sur la Lune, évidemment. Il n'y a pas d'atmosphère. Et puis, après, il y a des choses plus... Maintenant, on sait qu'elles sont fausses. Il met de la glace sur la Lune, de la glace au sens de la glace, un morceau de glace, comme un gros glaçon, comme un glacier sur la Lune. Maintenant, on sait que il n'y a pas de glace sous cette forme-là sur la Lune. Elle peut être au mieux mélangée dans le régolithe lunaire, et puis en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, deuxième chose, on voit des stalactites dans la Lune, ce qui laisse supposer qu'il y a eu pendant longtemps de l'eau qui a coulé, qui a ruisselé sur la Lune, alors qu'on sait qu'il n'y a jamais eu d'eau liquide sur la Lune. Donc, il y a des choses qui nous montrent qui sont fausses, mais comment lui en vouloir ? Dans les années 50, toutes ces choses-là étaient tout à fait ignorées des astronomes et des astronautes, et il a fallu attendre les missions lunaires, et puis même bien après, les missions robotisées en orbite autour de la Lune, comme Clémentine, par exemple, qui observait la Lune et qui en ont cherché de l'eau sous toutes ses formes. Donc, il y a des choses qui sont fausses, mais qu'on peut lire à la lumière de ce que nous savons maintenant, et on ne peut pas en vouloir à Hergé. Il y a des choses qui sont fausses parce que, eh bien, soit pour l'intrigue, soit par ignorance, il a fait des fautes. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui sont justes, qui sont bien représentées, bien vues, et qui sont, de ce point de vue-là, remarquables. Quel est votre épisode préféré ? Quel est le personnage qui, selon vous, symbolise le plus la culture tintinophile ? En tant que scientifique. En tant que scientifique, moi, j'aime beaucoup, évidemment, Tournesol. Bon, parce que c'est d'abord un savant touche-à-tout. Il sait tout faire, Tournesol. Hein. C'est à la fois un physicien nucléaire, un inventeur qui vous invente la brosse à chaussures spéciale, les sous-marins requins, les patins à roulettes à propulsion motorisée. Enfin, il fait tout, il invente tout, il touche à tout. C'est aussi un grand directeur de projet. On le voit dans les aventures lunaires, quand même. Hergé nous montre une façon de faire de la science qui est tout à fait moderne. C'est-à-dire, en 50, quand on écrit les aventures lunaires, il n'y a aucun projet scientifique non classifié qui a fonctionné comme ça. Le projet Manhattan, avec une organisation très hiérarchique, une organisation verticale avec un grand chef de projet, des sous-chefs, des chefs scientifiques, des armadas de scientifiques, de techniciens, d'ingénieurs qui travaillent sous la responsabilité générale d'une organisation qui est au-dessus, ça n'existe pas. C'est la science à l'Einstein, c'est des gars dans des coins qui collaborent, des petites équipes dans des laboratoires qui collaborent entre eux localement, éventuellement entre équipes internationales, aucun grand instrument, pas de CERN, pas de grand télescope. 45, là, début de la construction du Mont Palomar, et puis qui est fini dans les années 49, je crois. Donc, un seul grand télescope qui est le Mont Palomar, le fameux 5 mètres du Mont Palomar. Il n'y a pas grand-chose comme grands instruments de la science, à part le projet Manhattan, donc, qui a été évidemment secret pendant la Seconde Guerre mondiale, et dont peut-être quelques bribes émergent à ce moment-là. Donc, Quand Hergé nous montre ça, il nous montre vraiment une représentation très moderne de la façon dont fonctionne la science actuellement, avec, ce n'est pas toujours le cas bien sûr, mais parfois de grandes équipes, des équipes internationales qui mobilisent un grand nombre de moyens sur une base, sur un endroit dévolu spécifiquement à ces travaux et qui nécessitent des ressources évidemment considérables. Qu'on pense au CERN, qu'on pense aux grands accélérateurs de particules ailleurs dans le monde, au synchrotron Soleil qui a été récemment inauguré, qu'on pense au projet lunaire, qu'on pense à tous les grands projets scientifiques de ce siècle. Ça a à chaque fois été qu'on pense au projet ITER qui va démarrer incessamment. Bref, tous ces grands projets mobilisent des moyens humains, financiers considérables. Et donc, de ce point de vue-là, Hergé a une vision très moderne de la façon dont fonctionne la science, à l'opposé de ce qu'il nous montre, par exemple, dans L'Étoile mystérieuse, où c'est plutôt une vision un peu passéiste, un peu 19e siècle, le savant et son aide dans son observatoire, dans sa tour d'ivoire, en train de construire la science au fil du temps par des calculs complexes et abscons pour la plupart des gens. Merci Roland Locke, vous aimez les caramels mous ? Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain épisode.